Chanson du troubadour de Loris. Des belles d'ici, je remercie la douce voix, votre entrevoix au rêve. Jardin de l'humaine nature, la cire abjecte de liesse chère. Pour ces visages, je cherche que de l'oubli, que de mépris. Des belles d'ici, je remercie la douce voix. Joueur de sitar accorde sa mesure aux jeunesses aventures, au désir immunal. Déjà le chevalier sur son cheval et la dame en ses murmures d'une chanson de l'ami.